et mon rap balistique. Ils font l'air trace droit, ils se foutent des critiques. Restez simple sur les premières missions de mes textes. Toucher le point G de mes couplets, l'apogée. Je suis à l'opposé de tout ce qui se fait depuis tant d'années. Seul avec ma team, encerclé d'enculés. Alors voilà, une collision directe dans ta tête. Choc frontal avec un trauma musical normal. Symphonique prod ne reproduit pas mes produits. Un son de standing, d'inhabit de Brooklyn. MRP à la manœuvre, reconnaissance en cours des Blade et MC qui squattent le bas des tours. Épuration musicale, car mon hip-hop est malade. Il souffre de notoriété, de radio commerciale. Mais j'agis comme un vaccin. Au sein des miens, j'envoie des ondes. Elles se propagent comme une rumeur pour éviter que mon rap meure. Elle se propage comme une rumeur pour éviter que mon rap meure. Si j'ai la gueule par terre, si je suis derrière les barreaux, et quand je suis en manque, mon rap est en overdose. Toujours prêt pour l'injection, pour muscler ma cause. Si j'ai la gueule par terre, si je suis derrière les barreaux, et quand je suis en manque, mon rap est en overdose. Toujours prêt pour l'injection, pour muscler ma cause. De mémoire d'homme, me souviens plus exactement de qui de nous deux attire l'autre comme un aimant. Une chose est sûre, les jeux sont et moi j'suis fait de toi et toi de moi. Et de toi à moi voilà une histoire sans pareil qui date depuis 90. Dis-leur vas-y que je respire et ne crache que du HH. Homme d'honneur, ne calculant pas, ne comptant pas tous ses efforts et ceux depuis ses premiers pas. Je sais qu'il me sert de poutre, les autres je passe outre. Autrement dit qu'ils aillent se faire foutre et dans leur trou glisse ma poutre. L'histoire se répète malgré les coups qui tiennent tête. Malgré nos forces, malgré les morts, malgré les remords. Tu vois garçon, si la vie ne tient qu'à un fil, à toi d'être malin et d'en avoir toute une bobine. Mais le film défile à la vitesse d'une balle d'implique. Et le souffle coupé, on voit déjà le générique. Si j'ai la gueule par terre, si je suis derrière les barreaux, et quand je suis en manque, mon rap est en overdose. Toujours prêt pour l'injection, pour muscler ma cause. Si j'ai la gueule par terre, si je suis derrière les barreaux, et quand je suis en manque, mon rap est en overdose. Toujours prêt pour l'injection, pour muscler ma cause. Comme mon hip-hop sonne, c'est tout Paris qui résonne. Un bombardement verbal en règle, comme un code pénal. Des éclats de son, des rafales de rimes, et un flow qui assassine comme une lame en Palestine. Tu vois de quoi je suis fait, mes phrases commettent des méfaits. Mais je fais la part des choses tout en restant aux aguets. Formate ton disque dur car mes rimes prennent de la place. C'est le Firewire sur PC ou sur ton Mac. Oublie tout, tout ce que t'as déjà entendu. C'est un tsunami acoustique à coup sûr. Une vague géante qui déferle sur la capitale, emportant tout sur son passage dans un boucan du diable. C'est une nouvelle ère, une éruption en plein Paris. Un volcan déposant ses cendres sur la ville. Et quand la terre est brûlée, elle en devient plus fertile. Et c'est là que mon rap pousse, vierge de platine. Si j'ai la gueule par terre, si je suis derrière les barreaux, et quand je suis en manque, mon rap est en overdose. Toujours prêt pour l'injection, pour muscler ma cause. Si j'ai la gueule par terre, si je suis derrière les barreaux, et quand je suis en manque, mon rap est en overdose. Toujours prêt pour l'injection, pour muscler ma cause.